Les Macédoniens, si jaloux de conserver l'ancien ordre de leurs milices, formé par Philippe et par Alexandre, croyaient leur phalange invincible, et ne pouvaient se persuader que l'esprit humain fût capable de trouver quelque chose de plus ferme. Cependant, le même Polybe et Tite-Live après lui ont démontré qu'à considérer seulement la nature des armées romaines et celle des Macédoniens, les dernières ne pouvaient manquer d'être battues à la longue, parce que la phalange macédonienne, qui n'était qu'un gros bataillon carré, fort épais de toutes parts, ne pouvait se mouvoir que tout d'une pièce, au lieu que l'armée romaine, distinguée en petits corps, était plus prompte et plus disposée à toutes sortes de mouvements. Les Romains ont donc trouvé, ou ils ont bientôt appris, l'art de diviser les armées en plusieurs bataillons et escadrons, et de former les corps de réserve dont le mouvement est si propre à pousser ou à soutenir ceux qui s'ébranlent de part et d'autre. Faites marcher contre des troupes ainsi disposées la phalange macédonienne. Cette grosse et lourde machine sera terrible à la vérité à une armée sur laquelle elle tombera de tout son poids. Mais, comme parle Polybe, elle ne peut conserver longtemps sa propriété naturelle, c'est-à-dire sa solidité et sa consistance, parce qu'il lui faut des lieux propres, et, pour ainsi dire, faits exprès, et qu'à faute de les trouver, elle s'embarrasse elle-même, ou plutôt, elle se rompt par son propre mouvement. Joint qu'étant une fois enfoncée, elle ne sait plus se rallier. Au lieu que l'armée romaine, divisée en ses petits corps, profite de tous les lieux et s'y accommode. On l'unit et on la sépare comme on veut. Elle défile aisément et se rassemble sans peine. Elle est propre au détachement, au ralliement, à toutes sortes de conversions et d'évolutions qu'elle fait, ou tout entière ou en partie, selon qu'il est convenable. Enfin, elle a plus de mouvements divers et par conséquent plus d'action et plus de force que la phalange. Concluez donc avec Polybe qu'il fallait que la phalange lui cédât et que la Macédoine fût vaincue.